de se régler. Je suis réglé, moi. Ouais. Je m'entends pas. Je t'entends pas, mais je m'entends quand pas même quelques moi. Années. Stupides et affreux, les massacres répondent aux massacres dans ces conditions. On n'a pas eu tellement envie de broder des petites conneries mollement rigolotes ou pas au milieu de toute cette déshumanisation. On va donc éviter les déclarations à l'emporte-pièce, prendre une distance très relative et vous laisser en compagnie de Francisco de Goya, c'était ce qu'on a mis sur Facebook ce midi, qui peignait déjà il y a deux siècles Saturne dévorant un de ses fils, comme certains égorgent, enfin apparemment décapitent des enfants. Malgré tout, et on l'espère avec un peu de légèreté retrouvée, voici Pyongyang City Rockers numéro 310, c'est maintenant avec la fine équipe, Gaël, oui. Val, oui. Jamo, oui. Et Stéphane. Ouais, mais toi, on n'a pas entendu quand tu fais oi. Oui. Voilà, c'est bien. Et moi-même, Stéphane. Et puis il y a peut-être Célia qui va se matérialiser à un certain moment. Eh bien, puisqu'on en est à l'actualité brutale et désespérante, voici Rachid Elerator avec Boom Boom, suivi d'un groupe israélien des années 90, Nechainatsa, qui ont un truc en hébreu, mais je vais vous faire la traduction en français parce que moi, l'hébreu, j'ai du mal à prononcer. Plutôt être un punk plutôt qu'un sale colon. Donc premièrement, Rachid Elerator suivi de Nechainatsa. Mais quel colon ! Les éditions Zama Production, tout Kadam Rachid Wolferan, le Mikri ou le Mikriyet Kamlin. We'll be right back. impeccable, il arrive exactement au moment où ça finit. C'est fabuleux. Tu l'aurais pas dit, on l'avait même pas su. T'as un chrono, mais t'as un chronomètre dans la tête là. Franchement, là, je respire. Oui. Alors, moi, je vais vous parler d'un groupe composé de Sylvain des Prowlers, qui est aussi programmateur du Montréal Oi Fest. Eric de The Prowlers, chanteur aussi dans La Gâchette. Yann des Prowlers, qui est aussi batteur dans Street Troopers. Tu connais le morceau là ? On the streets of Montreal. Non ? Non. Ça peut-être et il y a aussi Martin donc des Prowlers de Ultra Radia de Force Majeure. Ouais. Et il tient aussi Shoom Records. Alors voilà la nouvelle formation du groupe montréalais des Prowlers. Vous n'avez pas grillé encore, c'est ça ? Ah bah non, moi je pensais que tu allais passer à un groupe guatémaltèque des années 80, j'en sais rien moi. T'sais. Alors si je vous parle de ce groupe, c'est parce qu'il est actuellement en tournée sur le sol européen et que contrairement au groupe montréalais qu'on a l'habitude d'écouter ici à Pyongyang, bah, The Prowlers chante en anglais. Ah. Vous avez déjà passé un morceau pour vous annoncer donc, la sortie de leur dernier album qui était en l'année dernière sur le label canadien Insurgence Records et distribué par Contra Records pour l'Europe. Ils sont en concert demain à Montpellier, vendredi à Pamplune avec Streetwise et Calécourt d'Angac. Et ils finiront cette tournée à Madrid samedi. Bon, tout à l'heure, je vous ai un peu menti. Hein. Il y a quand même un morceau en français qui s'appelle Alcolo. Mais C'est les Scraps. Non, c'est pas une reprise des Scraps. Mais je lui préfère quand même un morceau qui est chanté en anglais, qui s'appelle Were You Really One of Us? Étais-tu réellement l'un d'entre nous? C'est un morceau c'est le morceau qui ouvre l'album et on l'écoute tout de suite sur Radio Campus Licence 6,6. Ah ouais. Et comme j'aime beaucoup le morceau On the Streets of Montreal, et ben on va l'écouter juste après. Voilà. C'est The Prowlers. Oi. est bien, vrai, hein, c'est vrai que c'est bien. Ouais. C'est terrible. Alors qu'on l'a écouté uniquement d'une oreille, parce qu'avec l'autre oreille, on buvait. Ouais, c'est vrai. Non, mais je dois le dire, hein, enfin, de la Guinness ou de la Jupiler, ça dépend. Hein. Et est-ce que je peux encore prendre 30 secondes? Bah, la semaine dernière, on faisait des petites cachotteries, j'en profite qu'on est dans. Parce que là, on annonce des concerts loin, à Pamplune, à Montpellier et à. À Lille, Madrid. Bientôt à Lille. Non, non, là, je vais parler d'un concert c'est loin, Lille. À Boulogne-sur-Mer. La semaine dernière, on parlait de Churbase, ouais, ça va jouer bientôt sur la côte, tous ces trucs-là. Bah, ça y est. Maintenant, c'est officiel, le 28 octobre, à partir de 19h30, au Baroque L'Horloge de Boulogne-sa-Mer, c'est juste en face de la gare, ouais. Il y aura Short Days, donc les Lillois, et le groupe Acran de Paris. Bravo. Voilà. Sinon, ils jouent samedi aussi, les Short Days, hein. À Air sur la Lys. À Air sur la Lys, ouais, avec, aux copains d'abord. C'est ça, avec et, Bingo Crépuscule. Boulogne-sur-Mer, c'est organisé par... Crazy Kids, c'est ça. Youhou, fait de la pub, bah. Ouais. Et ça, c'est les gens, c'est, bah, les gens d'ASL qui font un concert gratuit. Ouais. Donc Bingo, ah, c'est dur à dire. Bingo Crépuscule. Crépuscule, parce qu'il y a pas d'accent, donc pour moi c'est un mot anglais. Crépuscule. Et Short Days. Short Days. Au bar, les copains d'abord. Les copains d'abord. Bon allez. Puis on va reparler après de Bingo, chose, enfin juste pour dire leur nom, quoi. Mais pour l'instant, c'est Célia qui s'avance vers vous. Alors, moi, je vais vous passer Etze. Oh bon. Ah, tu vas passer ton t-shirt. Bah ouais. Du coup, elle se vante, elle a déjà un nouveau t-shirt de Etze. J'ai investi, t-shirt tout neuf. Avec un scorpion et des chaînes. C'est ça. Alors, sur leur bandcamp, ils se décrivent comme un groupe de Furious Punk Violence. De quoi ? Furious Punk Violence. Ouais. Et je trouve que ça les définit vraiment ouais. bien. Ouais, ouais. Du coup, la chanteuse, là, c'est qui déjà ? Eva. Elle est très furieuse, hein, oui. Sur scène, franchement. Pff, si et c'est du coup, ils sont passés ce week-end au We're Not Worthy. Ah, c'était bien, alors bah, du coup, j'y suis allée que le samedi. Ouais, et ouais, c'était cool. Le lieu est chouette. Le lieu est sympa. Et du coup, ça a ramené un peu. Enfin, Etze, ça a ramené un peu la petite touche punk dans tout le grind. Ouais, c'était quand même assez grind avec aussi des oui, c'est métal, ça. Il y avait un peu de métal et un peu de grind, mais du coup, tu sais, c'était à la fin et ça a mis d'accord tout le monde, je pense. Et c'était vraiment cool. Du coup, j'ai choisi le morceau Pile of Shit. Oh bon. Parce qu'en fait, ce concert, c'était de la merde, quoi. Non. C'est ce que tu veux dire. Il y a un message à le cacher. Non, pas du tout. Bon. Qui vient du LP qui s'appelle Bed Bugs, punaise de lit. Ah bah. Du coup, c'est assez actuel, quand ouais, même. Le niveau ouais, d'actualité, c'est clair. Fou, quoi. Et ils ont déjà aussi deux splits. Ils ont déjà fait deux splits aussi. Ouais, j'en ai un. Moi, j'en ai pas. Mais bientôt. Et donc, c'est Pile of Shit de Etze. Justement, je parlais d'annonces de concerts loin à Lille, vu qu'ici on avait Das, qui a quand même presque 10 km. Hein. Non, allez, 5, 6. Allez, je... c'est difficile, hein, surtout quand tu le fais à pied. Et donc, demain à Lille, au Centre Culturel Libertaire, que le monde entier nous envie. faut le dire quand même. Il y aura swimming pool, bingo, crepuscule, et un groupe polonais qui répond au doux nom de Baraka Fatse Junta. J'avais du mal à savoir comment prononcer ça, donc j'ai demandé à un des organisateurs, c'était café, je pense, c'était café là, le flyer, de me dire comment ça se prononçait. Hein? Et donc voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, bon, c'est tout, et puis bah, ils vont t'as jouer. Pas googlé, lisé ça. Si, mais bah, que dis-je, j'ai rien trouvé. D'ailleurs, il y a un autre truc que j'ai rien trouvé du tout non plus aujourd'hui là-dessus, donc, enfin, sur dans les trucs que je passe. Vous remarquerez d'ailleurs que aujourd'hui, je n'ai passé aucun titre en anglais. Vous l'avez dans l'os. bah ouais. Et bah pour l'instant, voici Baraka Fatse Junta qui nous disent que demain, peut-être, tout ira mieux. Demain, peut-être, le soleil brillera-t-il pour toi et moi. Hier n'est qu'un vieux souvenir sans lien avec le présent. Est-il vraiment inutile de se battre contre le monde? Peut-être vaut-il mieux oublier. Parfois, il vaut mieux oublier et ne pas affronter la réalité. Maintenant, respire, même si ce n'est que momentané, car le soleil brillera demain pour toi et moi. C'est beau, hein? C'est François Pellman, ça, non? Ben ouais, mais carrément, sauf que c'est de la narco-punk, pour le qui plus est, avec une super chanteuse, et donc les voici, en plus, en live, dans un bistrot de Rzeszów, en Pologne, en avril 2022, ils font Moje Jutro, peut-être demain. Baraka Fatse Junta. Moje Jutro, prawie i dla ciebie. Zaświeci słońce. Może jutro dla mnie i dla ciebie znów zaświeci słońce. Może jutro dla mnie i dla ciebie zaświeci słońce. A może jutro dla mnie i dla ciebie znów zaświeci słońce. Ouais. Ah, apparemment, j'étais là dans le public. Hein. donc, ils passeront demain, ces gens, avec Bingo Crépuscule et Swing Pour. Ça sera au CCL à partir de 21h, nous dit-on. Et pas, des fois, c'est marqué 20h. Bon, tu sais bien que ça commence pas à 20h. 21h, peut-être que ça sera la bonne heure. C'est plus crédible, ouais. Ouais, voilà. Et c'est prix libre, forcément. Si c'est écrit 21h, ça va commencer à 22h. Il faut que les gens ils viennent avant pour qu'ils boivent la bière chaude à 1 euro. D'accord. Voilà. C'est pour ça que ça commence tard. Pour laisser rafraîchir un peu la bière. Ouais, c'est vrai. Ça va, Val ? Oui, ça va très bien, oui. C'est à moi ? Ça va très bien. Moi ? Alors, on va à présent au Pays Basque. Eh ben ouais, encore. Mais je vois plus mon texte. Donc, on ouais, va sur la chiant, côte. Le bordel, ouais, là, c'est hein. Chiant, c'est trop gros ces micros. Moi, je suis toute petite. On est d'autres radios où il n'y a pas de filtre anti-pop. Bon, alors, je continue. Les filtres anti-pop. Là. Bref. On va donc sur la côte de Guipuscoa. Guipuscoa. Ouais, au Pays Basque. Bah ouais. Ouais, parce que j'avais envie de vous passer un morceau d'un groupe que je ne connais pas. Et qui m'est tombé sous les yeux par hasard en me baladant sur Bandcamp. Ça s'appelle Flash, c'est du punk primitif, chanté en espagnol et en argot basque. J'imagine même pas ce que ça doit... Déjà, le basque, c'est pas facile, mais alors là, j'imagine même pas chanter avec... Vous avez déjà essayé de comprendre Non, vous moi pas. Gaël, oui, moi pas. Tu chevaux, t'as un don pour les langues. Je suis bilingue, moi. Ouais. Je parle basque tranquille. Surtout quand t'es bourré. La Buscaya. La Muscaya. Bon. Et donc, Flash, ils ont sorti un premier LP de 11 titres sur le label La Vida es un Mus en 2022. Et ben, ça semble avoir bien démarré pour eux, puisqu'ils ont déjà pas mal tourné. Et d'ailleurs, ils reviennent de leur première tournée aux US. Ils ont sorti en septembre 2023 une cassette de 3 morceaux sur le même label, cassette intitulée alors Estec Ber Bestec. Ce qui veut dire en français rien qu'elle. Ça si Google Translate ne s'est pas foutu de ma tête à nouveau, on a déjà eu des sales blagues avec ça. Remember Leinouzara, hein, c'était particulièrement vas-y. Gratiné. Leinouzara qui est traduit par lignée blanche, alors que ça veut dire all firm, ancienne église. Ouais, c'est juste pas du tout la même connotation. Quoi. Donc apparemment, voilà, là, pour la Zaira, c'est rien qu'elle, et on écoute d'ailleurs, on écoute et donc qui, elle le deuxième morceau quoi. Qui elle, elle rien qu'elle, mais personne elle. Ne sait, je ne sais pas. Je sais elle. Pas. Elle, la dame qui parle dans le micro. Celle qui essaye de parler. Ouais. Ah, c'est bon, t'y arrives. Et donc, on écoute le deuxième morceau de cette cassette intitulé Ausencia. C'est bien. C'est cool. Milashker, Flash. C'est bien, non? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Bon. Du coup, c'est à moi. Là, je vois Célia qui tient son téléphone, donc elle va parler, elle va dire des choses. C'est ça. Du coup, on a parlé, pas la semaine dernière parce que j'étais pas là, mais il y a 2 semaines, de Opération Hit Sheet. Mais pourquoi? C'est un vieux groupe qui n'existe plus. Un groupe lillois. C'est un groupe lillois. Et la chanteuse, je la connais bien. Du coup, ouais, c'est un groupe de punk hardcore. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Ils ont sorti un split avec Youssouf Today en 2006 qui regroupe tous les morceaux qu'ils ont sortis. Alors, Youssouf Today, pas Youth of Today. Youssouf. Ouais. Youssouf. Ah ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Comme Youssouf, le prénom. Ça, ouais. Ça va avec Rachid et les ratons, quoi. Là, on fait une émission qui a que le suivi, quoi. Et du coup, j'ai choisi le morceau I Love You Too Punk Rock. Ah bah c'est meilleur, c'est meilleur. Attends, le titre en entier c'est I Love You Too Punk Rock. Sometimes. Voilà, voilà. Bah, c'est des fois. Il est excellent. Bon, bah on y va. Non mais là c'est fini, arrêtez. Bon bah il est 20h32 minutes à l'antenne de Campus 106,6, c'est Pyongyang City Rockers pour encore une demi-heure à peine. Je vous présente tout de suite le numéro 3 d'un zine néerlandais qui s'appelle Netherpunk. Ils font, se fait pas chier le gars. C'est quand même quelqu'un d'assez célèbre, c'est Michael, le gars qui fait Bacteria.nl. C'est un excellent archiviste de la scène néerlandaise et par extension mondiale, vu que les groupes néerlandais ils ont quand même tourné un peu partout. Il réunit tout ça sur son site d'archives qui s'appelle Bacteria.nl. En fait, c'est les bactéries néerlandaise, c'est pas la vie des microbes, hein, même presque, voilà. Ça fait des années qu'il fait ça, et donc c'est vraiment, si vous cherchez des trucs sur des vieux groupes néerlandais à partir de la fin des années 70, vous allez d'abord là-dessus, et il y a de fortes chances que quand même vous trouviez des archives, des photos, des listes de concerts, etc. Il y a un site identique à mon avis qui fait la même chose avec l'Italie. Voilà, ouais, et puis il y en a aussi qui font ça en France, mais ils sont nettement surcotés par contre. Non, il y avait Euthanasie qui était bien là-dessus, mais bon, il a arrêté ce mec. Ouais, il fait quasiment que des photos d'affiches. Et donc revenons à nos bactéries néerlandaises, néerlandophones. Ben, ce gars, il fait aussi un zine, donc là, le numéro 3 vient de sortir, il n'est même pas encore sorti, il vient juste d'envoyer... le PDF super énorme, 80 pages, ça fait 164 mégas. Bon, attends. Il vient juste d'envoyer son PDF de 80 pages, des gens triés sur le vélo, vu que c'est. Je l'ai pas distribué aujourd'hui. Voilà. Non, triés sur le vélo. C'était juste pour placer ce calembour rigolo. Et puis, t'as pas compris. Trier sur le vélo. Non, c'est pas grave. Je te le ferai hors antenne. C'est des Néerlandais à vélo. Oh là là. Trier sur le vélo. Une bon, allez. Dans la bouche, quoi. Yeah, oui. Un pétard dans le cul. Et, si tu veux. Le fromage. Et comme ça, ils font de la fumée. Tout en avançant plus vite. Bien, voilà. Et donc, dans ce monument de la fanzinerie internationale, vous pourrez trouver des présentations monopage de plein de groupes actuels néerlandais. Et puis, il y a aussi des vieux, hein, dont, par exemple, Seeing Red, mais Seeing Red, c'est une interview qui fait facilement 6-7 pages parce qu'ils ont plein de trucs à raconter, c'est des communistes. C'est vrai, mais ils sont bien, je pense que c'est un des groupes que j'ai vu le plus souvent dans ma vie, Seeing Red. Plus que Scraps. Ouais, je pense. Au même niveau. Allez. Sinon, il y a un tour report de As In Pieces quand ils sont allés aux États-Unis l'an dernier. Il y a aussi un paquet de pages. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais. Bah, tiens, il y a une présentation de Malade. Malade. Il y a d'autres groupes qu'on a passé déjà ici. Krustanini a une interview de 4 pages, etc., etc. Enfin, plein de trucs. Vous pouvez retrouver toutes les références sur bacteria.nl. Ne me faites pas chier. Vous tapez l'adresse dans votre navigateur au lieu d'attendre un lien qui va tomber tout cru dans votre bouche et sous votre Facebook. Voilà. Et puis, normalement, il doit y avoir aussi une centaine d'exemplaires. Premier pressage, premier tirage qui vont sortir incessamment sous peu, peut-être même avant, et si ça tombe, je ne n'aurai. C'est en anglais, à part quelques pages qui sont en néerlandais, mais en général, c'est plutôt l'anglish qui est employé dans ce fanzine. Voici donc Netherpunk numéro 3, c'est la deuxième année de parution, pour dire si c'est suivi, et c'est le numéro de novembre 2023. Youpi. Et puis maintenant, à des groupes qui sont présentés dans ce Netherpunk numéro 3. T'avais un truc à dire encore ou quoi? Non. Bah, c'est tout. Donc je passe Hard War Waning, difficile pour les petits. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et ils te disent que tu n'es pas leur bourrin, leur paysan. Yebetmen Bournit. Vas-y, pagué. Yebetmen Bournit. Par Art for Winnie. Aïe. Niemand is meer vrij. Democratie is maar een leuze. C'était quoi, c'était bien. C'était malade. Ouais, ils sont. Ah bah voilà, ils sont bons. Voilà. C'est le groupe que tu parlais tout à l'heure. Yo. Et bah là, c'est un morceau en exclusivité. Je comptais pas le passer ce soir. Ça tombait bien que je l'avais. Donc, je peux pas trop suivre avec le zine d'avant. Je peux pas trop m'étendre sur le groupe parce que ça fait quoi ? Ça fait quelques trois ans qu'ils existent. Tu t'étends sur le Covid. Groupe, ils avaient fait ils ont jamais sorti de disque. Ils ont sorti. Que des morceaux à droite à gauche, et là, ils font une première apparition dans cette compilation, et j'en avais parlé il y a quelques semaines, parce que ils vont faire un album qui va sortir à la fin du mois de ce mois-ci ou le mois prochain, et j'en avais parlé parce qu'il y a ce cœur qui a fait la base dedans, ouais. Ce cœur d'Oxymoron. Ouais. Tout à voilà. Fait. Donc, je ne sais pas si ce cœur joue dans ce morceau-là, mais en tout cas, c'est un morceau qui ne figurera pas sur l'album, et qui figure sur la nouvelle compilation de chez Rebellion Records, dont je parlerai dans les semaines à venir, qui s'appelle Oi and Dead, je ne sais plus le volume, mais qui a comme sous-titre Chaos in Netherlands, donc qui se base un peu sur la pochette, le numéro 8. Ouais. Voilà. Oi and Dead numéro 8, et ouais, donc avec une pochette qui se base sur un peu toutes les pochettes, Chaos in Catalonia, Chaos ouais. in Basque Country, Chaos il commence à en avoir un paquet. Hein. Chaos in Italie. Puis bien sûr la première Chaos en France. Ouais, et en plus là la pochette elle est aussi bleu blanc rouge mais bon pas dans le même sens et donc tu dis bizarre. C'est bizarre ça. Ouais. Et donc les préventes elles commencent la semaine prochaine là donc vous en entendrez certainement parler dans ailleurs qu'ici. Mais et puis sur Droogies Poire. Oui c'est sûr. Voilà. Et on n'a pas encore dit Droogies. Bah on l'a dit. Là. Voilà. Incroyable. Il est 20h43. À l'antenne de campus, c'est Pyongyang City Rockers. Allez, qui et qui est que quoi ? À moi. À toi. Alors, oui, parce que eux, je les aime vraiment bien. Donc, ils avaient sorti une démo en 2022 sur le fameux label. J'aime beaucoup ce label et vous, je suis sûre que, en tant que Français, vous allez l'aimer aussi beaucoup. Et j'en avais parlé il y a des mois. SFR Hardcore. ça me fait toujours, j'adore. Et donc, d'ailleurs, on avait passé un morceau ici à PCR en février. Ils sont de retour avec leur premier LP intitulé Executor. Revoici donc Collapse. Oh. Un groupe allemand de street punk Oi que j'avais eu la chance de voir en concert privé avec toi d'ailleurs, Gaël. Oui, à Gand, et qui m'avait d'ailleurs plus impressionné que le groupe tête d'affiche qui n'était autre que Yéna. C'était ouais, vraiment... mais Yéna... Oh, bon, ça va, il y a pire, c'est excellent. Mais, c'est pas eux qui copiaient, je sais plus quel groupe français. Voilà. Non, et pour ça, quoi, à un moment, bon, tu peux dire que c'est bien, mais voilà tout. C'est vrai. Et donc, Collapse, c'est qui ? C'est Valeux à la guitare et au chant, actif d'autre part dans les groupes. Oh là, j'ai toujours du mal avec ça. Hewon Heidstrinker, Rumpelstiltskin. Celui-là, j'arrive pas à chaque fois. Rumpelstiltskin ? Oui, Rumpelstiltskin. Et c'est aussi l'ancien guitariste de Brutal Bravo, RIP. Tim. Il a déjà passé un titre de Rumpelstiltskin. Ah bah ouais ? Non, ah, non, pas moi non, en tout cas. Non, je pense que c'est un groupe. Ah, c'est un autre groupe. C'est un autre groupe qui s'appelle Pareil. Je ne sais pas. Parce que je cherche leur nom. Paul Stilskin, ils ont 4 ou 5 concerts à leurs actifs. Ouais, je pense. Ouais. Les actifs. Alors actifs. Alors actifs. Ah, s'ils en font s'ils en font plusieurs, ils ont des actifs. Le maître Capello de la. Oh, il a frappé. Donc ensuite, il y a Tim, le batteur, qui est membre de Chronic Abuse, Complete Loss et Urban Void, et Schnabel à la basse, qui joue également dans Complete Loss. Schnabel. Rien à voir avec Dr. Schnabel. Dr. Schnabel. Qui était un groupe de Courtrai. Leur LP sera dispo à la prévente le 15 de ce mois. Ça sort sur Mendeco Discac. Et on écoute maintenant We Made You. Attends, faut que je le lance. Oh bah, mais je te l'avais donné. Bah ouais, il y en avait deux là, je savais pas lequel t'avais passé. Là. Ah oui, c'est vrai. Ah bah attends, l'archiviste. Alors c'est oui, mais oui. Non, moi je suis pas archiviste, madame, moi je suis documentaliste. Là. Bah, on est tous documentalistes, archivistes, bibliothécaires. Allez, vas-y, voilà. On voit. C'était fini. Oh. Non, c'est bien. Bon, bah, le son est un peu fumé. Oui, pour une fois que je peux le dire à quelqu'un d'autre. C'est ce qui est étonnant pour Mendeco Discac. J'aime bien le gros son hyper produit. Quoi. Ouais, je sais pas. Ouais. Non, mais c'est peut-être aussi une question de Bandcamp qui fout le bordel en ce moment. Quoi. Il fallait que tu le dises. Mais non, mais il faut le dire. Attends. Non, mais il faut faire attention pas, aussi à ça parce que là, ils viennent d'être revendus à une autre boîte. J'ai vu. Qui est une espèce de machin financier là, donc à mon avis. Oui, c'est toi qui l'avais dit, il faut pas le dire. Attends, putain, moi j'ai peur. T'as plein de groupes, plein de labels qui vont être dans la merde à cause de ça. Et je vous le dis. Je vous le dis. Vous saurez, vous l'aurez su en premier grâce à Pyongyang qui s'est repéré. Sans les mains. Allez, Célia. Je vais vous passer un titre de Gumo. Groupe lillois qu'on présente plus trop ici, je crois. Non, c'est vrai, on les a jamais vus. Ils ne sont jamais passés ici. Jamais. Parce qu'ils ont sorti un split avec Jet Sam. Encore ? Ouais, ils font des splits, ces cons-là. C'est ça. Il est sorti en août sur les internets, mais en physique, il est arrivé que cette semaine ou la semaine dernière. J'en ai eu un exemplaire. Non, même pas, parce que. Mathieu, il les avait oubliés à ce maison. Ben non, il jouait le vendredi et j'y suis allé samedi. Ouais, j'ai pas pensé à demander à Mathieu. Mais bon, ils sont disponibles chez un petit label lillois que l'on connaît tous, chez Don't Trust the Apps Records. Bon. D'ailleurs, un jour, il va venir ici, je pense. Oui, je pense. Si je l'assiste encore un petit peu, il va venir. Tu l'appelles, il va venir. Ah ben non, là, j'ai dit, tu viens ce soir. Ben, tu crois qu'il est venu? Non, il s'occupait de ses gosses. Putain, c'est dégueulasse. Faut l'appeler la semaine prochaine, du coup. Non, la semaine prochaine, on aura peut-être quelqu'un quand même. Ouais, il y aura peut-être déjà un Parisien, ouais. Donc voilà. Okay. Qui va à la chasse perd sa place. L'ami Casse nous écoute dans le cululu. Qui va à la Ducasse perd sa place. Ben, du coup, j'ai choisi le morceau Bigotism and Evil. Evil, je sais pas. Evil. Evil. Bah, comme le type de. C'est un morceau qui est chanté avec Christina de Matraque Attack. Oh. Voilà. Du coup. Ah. Voilà. Et voilà. Non, elle a eu une manière de virer, de prendre à partie un mec qui avait eu un geste extrêmement déplacé à son égard quand elle était sur scène en train de chanter au festival merde en Kalinginat là, comment ça s'appelle? Louis Pleur. Ouais, à Louis Pleur. Il y a un connard qui carrément qui lui a mis la main aux fesses alors qu'elle était en train de chanter. Elle te l'a pris à partie, mais bon, le mec, tu sais, et à un moment, on voyait qu'il savait plus trop où se foutre. Après, il a été viré. Hein. Et après, il traînait dans le village, tu sais, dans le noir, tu sais, il pleurait. Mais c'était trop tard, voilà. Bref. Et du coup, je vais enchaîner aussi après avec Jet Sam, le morceau qui s'appelle Villain. Et Jet Sam, c'est un trio de Power Violence de Montréal. Encore Montréal? Ben ouais. Qu'est-ce qu'ils ont tous là-bas? Ben, ils sont allés tourner là-bas, les Goumo, donc j'imagine qu'ils les ont peut-être connus comme ça. C'est du copinage. C'est ça. Ok. Bon, ben allez, Goumo. Putain, ouais, quand même, hein. Tant qu'elle le dit, on entend qu'il n'y a pas de guitare. Ouais. C'est pas de la guitare, c'est de la basse. Super son. C'est bien. Comme quoi, la guitare, c'est pas utile. Hein. Enfin, je dis aux guitaristes qui nous écoutent, changez de métier. Quoi. Enfin, je sais pas, faites la batterie. Il y en a qui font les deux, donc, puis même d'autres instruments. Le batteur, c'est pas utile. Une batterie électronique. Non, bah, non, les batteurs, c'est bien. Les vrais batteurs. Ouais, mais ils peuvent pas rajouter des petits trucs. Ouais, voilà, au milieu. On en connaît un ici. Des fois, qui vient et puis voilà. Ils ont un batteur et un guitariste et aussi un bassiste. Et même un chanteur. C'est Litzkes Drouillet. Groupe austro-tchèque, vu qu'ils sont à la fois à Vienne et à Brno. Brno. Anciennement Brun. Quand c'était à une ville à moitié allemande, mais après ils ont viré les cheveux parce qu'en 45 c'était plus possible. Quoi. Ils vont passer le 1er novembre au Balmoral à Gand, le squat près du port de Gand, sur le port de Gand. Et ils nous disent c'est un vrai hymne punk, je n'attends plus rien de personne, même de mes copains, même de moi-même, Michel Barton, X-Mer, par les Skates Royer. C'est un peu Deutsch Punk quand même, Deutsch Tchèque Punk. Voilà. Il est 20h58, on va devoir bientôt vomir l'antenne. Jean Damien qui devrait être là normalement, je pense. Ouais, il va être là, oui, bien sûr, Tiss Grinder. Mais on ne sait pas de quoi il va nous parler. Est-ce que ça sera encore un live de TFN? Va savoir. Restez à l'écoute de Campus, et puis après ça, il y aura B-Boy Bouillabaisse. Et encore après, à la fin de la soirée, vous aurez Camos et sa bande pour ce soir. C'est occupé, c'est sur Campus, et puis on se dit la semaine prochaine pour le numéro 311 de Pyongyang Steel Rockers. Et d'ici là, on n'oublie pas Accab. All colonizers are bastards. Voici donc on finit avec d'un groupe japonais Endars qui font Monku Neraru, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Au revoir, à la semaine prochaine.